J'entends frapper. Non, c'est pas ça. Je suis Jean-Marc Lemieux, psychologue. Allez, va. Prends le micro et déclame. Merci. Oh, quand j'ai le hockey de mon psy. Là. Oh, non, psychologue. Aujourd'hui, le lundi 11 mai 2020, monte le volume et hume la différence car c'est parti, mon kiki. Oui. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Le 4 mai, j'attends l'autobus à l'arrêt, la vois arriver, veut la prendre, pas capable d'entrer par la porte d'en avant. Me demande pourquoi. Le chauffeur me fait signe par en arrière. Là, je me dis, depuis quand on rentre par en arrière? Mais je suis les indications d'un professionnel, car j'en suis pas un. Il ouvre la porte. J'entre. Me dirige vers l'avant. Je vois une chaîne en plastique. J'ai dit, c'est pas fantastique, une chaîne en plastique. Pourquoi ils ont mis ça là? Mais là, t'sais, moi, je suis pas un fou, là, t'sais, j'ai bien l'air, là, mais je suis pas un fou. Mais je me suis dit, c'est peut-être parce que le chauffeur est pas dans sa meilleure des formes. Peut-être même que ce chauffeur-là, et ça se peut, puis ils le diront pas, a la rage. Donc, comme une chaîne, mais pourquoi en plastique? Alors là, j'essaie de défaire la chaîne parce que je voulais présenter ma carte en avant dans la petite machine qui m'offre l'occasion de dire que j'ai payé mon mensuel. Et là, il y avait 18 à 25 personnes à peu près, vite comme ça, qui étaient là dans l'autobus. Et ils m'ont dit, « Non, ne faites pas ça, monsieur! » Là, je me retourne, je dis, « Pourquoi? » « Faut laisser la chaîne! » Comment ça? « Regardez en avant, il y a toutes les indications. » Fait que là, je me suis dit, « Ah non, non, il n'y a pas de dessin, c'est juste de l'écriture des lettres. » Moi, qui n'ai jamais été bon à l'école, tu sais, moi, j'ai fini mon secondaire 3, léger, très léger, tellement léger que j'avais pas de livre. Je me suis dit, l'école de Lévis va m'apprendre tout le reste, là, ça sera pas bien compliqué, mais non, non, non, non, non, non. Ça fait que là, j'arrive devant de la lecture, j'ai monsieur. Donc, je dois lire. Pour un mois. Je vais manquer mon arrêt d'autobus. Ça fait que là, m'en va. Je veux m'installer à côté d'une personne. Là. Non, non, non, non, placez-vous pas là. Il y a des bancs seuls, là. Mais voyons, d'or, j'ai le droit de poser mon fessier à l'endroit qu'il me plaira. Il dit, c'est un siège par personne, même si c'est un endroit pour deux. Il dit, voyons donc. J'ai-tu dormi si longtemps, puis me suis réveillé dans un monde où tout le monde a peur de l'autre? Et là, j'avais la chienne. Veux-tu me lâcher, tu sais, une fox terrier? Fait que, non, mais la chienne m'a pris, la chienne. Non, c'est pas ça le gag. C'est que la chienne, ah, ben, j'ai oublié, là. Non, j'ai... Oui, j'ai enfoiré la blague. Je suis un... Oui, un rigolo. Non, on dit pas j'ai enfoiré la... En tout cas, peu importe. La chaîne m'a pris. Je dis, veux-tu me lâcher? Tu es une fox terrier. Après ça, la peur m'a gagné. Je dis, j'ai même pas pris la peur. Puis je l'ai... Hein, j'ai remporté le premier prix. Il y en a qui mettent des années, une vie entière, à placer de l'argent sur des billets... presque gagnant, mais croyant que c'est gagnant, pour tirer un jour le gros lot. Il disait, là, moi, le jeu, c'est pas... J'ai dans un cauchemar. Peut-être même que je dors encore. que je dors encore. Je sais pas, on sait pas, on sait plus, on est perdu, on est comme l'oiseau. La vie est pure et d'eau fraîche, un oiseau, mais jamais ne l'empêche l'oiseau d'aller plus haut. Que donc, je dis, OK, je vais m'installer tout seul. Seul sur mon siège, je communiquerai pas avec le reste de la société. Ils ne veulent plus rien savoir de moi. Puis là, je regardais à l'extérieur. Il n'y avait presque personne. Et là, j'ai eu une peur bleue. Parce que j'avais pas écouté la radio, pas écouté la télévision, pas lu les journaux, pas allé, je me suis pas rendu sur Internet. J'ai sûr qu'il est arrivé un holocauste pendant que je dormais. Tout s'est fracturé, il y a eu un Big Bang, puis là, on est que quelques survivants, puis l'autobus est passé. Puis je me pose des questions, J'étais perdu! Sors de l'autobus! Par en arrière, je rentre par en arrière, je sors par en arrière, voyons. Ça pourrait être un film là, de Louis de Funès, ou l'humoriste québécois là, qui était Yvon Deschamps. Il a fait quelques films, Yvon Deschamps. Mais c'était pas des films drôles, ou rarement des films drôles. Il y en a un excellent avec Rita Lafontaine. C'était le rôle de vieux garçon. Lui, il faisait l'autre vieux, puis elle, elle faisait la vieille fille. Ce que c'était beau, c'était de Michel Tremblay. En tout cas, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Le char de l'autobus, pas personne. Là, je m'en allais au centre d'achat. M'acheter, parce que moi, j'aime ça, faire de la peinture à numéro. Vous savez, là, quand vous avez le 7, vous avez un petit pot de peinture 7, vous placez sur le sol, vous suivez les lignes. Après ça, ça fait un châle, puis c'est fait avec... c'est recouvert. Mais pas recouvert, mais quand il n'y a pas de numéro, c'est du feutre. Ça fait des belles toiles. Moi, je mets ça sur mes murs. C'est merveilleux. J'ai une rose orientale venue de Sibérie que j'ai achetée comme ça dans un kiosque de passe-temps. Donc, moi, je m'en allais là. Je suis connu comme Barabas en passion. Là. Je rentre là, je dis « Hey, salut mon Gilbert! Qu'est-ce que tu viens t'acheter? Quel numéro? Quelle peinture? » Là, ça me tentait, moi, là parce que j'étais pris dans un élan. Je dis « Pourquoi pas? » Diane Dufresne. Je dis « Avez-vous ça, Diane Dufresne, en peinture à numéro? » Diane Dufresne, tu vas chercher ça loin. Ben non! C'est la diva du Québec! Il y a Alice Robbie et Diane Dufresne. Voyons, on n'a pas ça, là. En plus, ça vient de Chine. Ils ne connaissent pas Diane Dufresne en Chine. Ben, hey, elle a fait des concerts au Japon, voilà. Elle était en Orient, puis elle nous est arrivée à un moment donné à nous raconter l'histoire. Tu ne te connais pas, moi. Écoute, je fais partie de trois fan clubs de Diane Dufresne. À Montréal, à Québec, puis à Mont-Joli. Hey, à Mont-Joli, là. Oh, mon Dieu. Ils sont actifs. Ils ont fait des crayons Diane Dufresne, des effaces Diane Dufresne, même des sous-vêtements Diane Dufresne. Et moi, je me suis acheté toute la panoplie Diane Dufresne. Si tu verrais mes sous-vêtements, donne-moi ça, je te montre ça! Non, appelle pas la police. Appelle pas la police. Ça fait qu'il n'y a pas de Diane Dufresne. Ah ben. Puis là, encore pire! Parce que là, lui, il me disait ça derrière sa vitre. Je dis, comment ça, t'as pas ouvert ta boutique? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, on peut pas l'ouvrir. Je dis, comment ça? Ben là, on est pris dans un grand trouble. Un qui? Un grand trouble. Un grand trouble? Quel trouble? On peut pas t'ouvrir. Les gens sont malades. Les gens sont malades. Et toi, tu l'es? Qu'est-ce qui se passe, là? T'as-tu vécu quelque chose pendant ta nuit? Ben non, ça fait presque un mois et demi. Un mois et demi? On est le 11 mai, là. Un mois et demi. Ben au moins un mois. Bon, ben là, t'es rendu à un mois. T'es sûr que ça fait pas une heure? Hey, arrête-toi là. On est obligé de fermer. Moi, je suis venu chercher mes clés. T'es venu chercher tes clés? Puis là, t'as pas rien de Diane Dufresne? Ben non, Diane Dufresne, on s'en balance. On se balance de Diane Dufresne, t'es un malade, toi. Heureusement qu'il y a une vitre entre toi et moi parce que je te ferais comprendre. C'est moi qui te fais vivre. C'est moi qui t'achète toutes tes fusées modèle réduit, toutes tes voitures modèle réduit, toutes tes peintures à numéro, comme je le dis. Toute ta colle, j'en achète-tu de la colle? Ouais, non, c'est ce que tu fais avec ça. Hey, malade, toi, là. On sait ce que tu fais avec ça. On sait-tu, toi, ce que tu fais avec ton magasin? Moi, je dis, là, c'est du marché noir, là. C'est pour masquer un peu la réalité dans ta vraie vie. Qu'est-ce qu'on connaît dans la vraie vie? Ah, toi, enlève, ouvre-la ta porte. Laisse-moi rentrer, on va se parler. On fera même pas, on prendra pas de petit café, pas de verre d'eau, ça va aller direct. Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? T'as peur? Non, j'ai pas peur de toi. T'as pas peur de moi? Tu devrais avoir peur de moi. Regarde, regarde. J'ai appris ça de mon fox terrier, moi. T'as-tu peur? Mais non, c'est pas toi. Je peux pas t'ouvrir. Ben, je peux pas t'ouvrir. Hey, là, je sais pas. On dirait que je suis dans un film surréaliste, hein? Un moment surréaliste. Pourquoi il n'y a pas d'ouverture pour rentrer dans ton magasin? Comment ça qu'il y a des clés, puis il est 14h? T'as jamais fermé à 14h? T'as-tu regardé les nouvelles? Mais tu te prends-tu pour le bonhomme carnaval? On comprend rien. Si j'ai regardé les nouvelles, mais non. Non, je me suis levé en retard, puis là, je voulais arriver parce que j'avais comme, eu un pressentiment que la peinture que j'allais acheter allait se faire silencieusement et sans vérifier les numéros. Tu sais, je suis comme ça, moi. Je sens que la création me fourmille, tu sais, ça picote au bout des doigts. Ça picote. Puis là, tu regardes, le noir veut se placer là, mais sans savoir que le noir, c'est le 8 ou le 12, là, tu sais. C'est l'inspiration du moment qu'on appelle. T'as jamais connu ça, toi, l'inspiration du moment? Mais non, écoute. Je dois en aller parce que j'ai trouvé une clé. T'en aller parce que tu trouves des clés. Mais là, comment ça qu'il n'y a aucun magasin d'ouvert? Il n'y a rien qui est ouvert. Retourne chez vous, puis écoute la télévision. Tu veux que je retourne chez moi? Quand le chauffeur d'autobus veut que je passe par en arrière, puis que j'écoute la télévision, un médium qui m'insulte, qui insulte toute l'intelligence du genre humain, plutôt m'écouter à la radio. Mais écoute la radio, regarde la télévision, informe-toi. Informe-moi? Ben, informe-moi! Non. Informe-toi! Ah, moi, m'informer, OK. Fait que là, tu peux pas rien me glisser. Je peux pas, j'ai trouvé une clé, je m'en vais par en arrière. Tu t'en vas par en arrière, ben, t'es comme l'autobus. OK. Hey, monsieur de monsieur. Je sais pas. Le monde est tombé sur le tombeau. Godfather Beats. Va dire ça à d'autres. Trop chaud, trop gros, c'est trop gun. Va dire ça à d'autres. J'écris tous mes couplets sans la lumière. Nécrologique et la rubrique. Laisse-les parler, n'écoute pas la rumeur. Laisse-moi seul et laisse tourner la musique. Ils ne connaissent pas la rue, même pas la douleur. Coup de mic, coupe la tête de la couleuvre. Désolé si j'ai de l'encre dans la sueur. Alléluia, vos enfants deviendront des tueurs. Mauvaise est la température et la nouvelle. Ni à jeter, ni à vendre, ni à louer. Je suis masqué comme un vendredi d'Halloween. Fou la moula pour la maman, donc papa repart en tournée. Parce que je préfère être seul que mal entouré. La rue surveille mes arrières dans ma tête, c'est le coït. Follow me jusque dans mon tombeau, gros follow me. On va fumer des joints avec Tupac et Kurt et Bowie. Plus rien ne m'arrête et rien ne peut me ralentir. Tu crois que je me suis ramolli depuis Valentina? Pof pof par, goûte à la meilleure drogue en ville. J'sors un album avant l'hiver, j'veux les dollars et la villa. C'est l'ombre de mon ombre, ce n'est pas un mirage. Je coule avec mon bateau, veuillez faire sortir l'équipage. J'ai le stylo, j'ai la voix, mais pas la guitare. Au sommet du règne animal, à jongler mon habitant. Je suis rentré dans l'industrie, deux glocks dans le sac à dos. L'important c'est de participer, va dire ça à d'autres. Mets ça dans le papier, comme les épices dans la sauce. Faudra venir la chercher, si jamais tu veux ma peau. Trop chaud, trop gros, c'est trop gang. Va dire ça à d'autres. Trop hard. Va dire ça à d'autres. N'est pas de la l'air. Tout ça n'est que de ma faute. À ce qui parle, j'ai fait ci. À ce qui parle, j'ai fait ça. Va dire ça à d'autres. Je ne fais pas mon possible, non, je règle le dossier. Je n'ai que des frérots, des soldats et des associés. Ici, y'a les chiens méchants, et puis y'a les chiens saucés. Je garde un œil sur mon business, un œil sur les hypocrites. À ce qui paraît, je suis fuck, parce que je sais quoi faire avec une roulette de duct tape. Maman met les champignons dans le cupcake. Hier, j'ai sauté torse nu dans le mosh pit. Joyeux Noël, bonne fête à vos souhaits. Prêt à jouer, prêt à tuer, prêt à mourir. J'ai rien vu, rien entendu, et je reste muet. Te croiser mes soldats cagoulés dans ta ruelle. Je tiens ma palette entre le pouce et l'annulaire. Carrière de rap entre quelques concerts annulés. Tu peux dire n'importe quoi, en autant qu'on s'en rappelle. J'aurais laissé quelque chose à Milan avant de me faire allumer. Les freestyles et puis les bagarres dans le school bus. J'ai pris des coups durs, des coups de pute et des coups bas. Ici tu sais quand l'appétit va tout va. Bouge ton gros cul, fais tourner le son dans le jukebox. Coup de stylo, coup de parole, coupe-gorge. Enragé comme si j'avais mangé du bulldog. Si le vase déborde, je suis la goutte d'eau. Une balle à la fois, la roulette est rose. Je suis rentré dans l'industrie, deux glocks dans le sac à dos. L'important c'est de participer, redire ça à d'autres. Mets ça dans le papier, comme les épices dans la sauce. Faudra venir la chercher, si jamais tu veux ma peau. Trop chaud, trop gros, c'est trop gang. Redire ça à d'autres. Il y en a tellement de proverbes, hein? Il y en a un qui m'a titillé quand il m'est revenu à la mémoire. Quand il me revient à la mémoire, ton, des souvenirs particuliers. Quand me revient à la mémoire, pom, des souvenirs particuliers. 1, 2, 3. Douce France, chère pays de mon enfance, bercée de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. France. Non, c'est Rachid Taha, mais en manière où est très non civilisée. Alors, il y a des proverbes là, qui m'allument. Comme celui-là. On t'attend avec une brique et un fanal. Une brique et on t'attend avec une brique et un fanal. C'est quand même quelque chose, hein. Ça veut dire que ça, c'est une citation qui a été lancée par une femme qui attendait son mari, mais là, elle en avait ras-le-bol d'utiliser le, vous savez, à pâte, le rouleau à pâte. Elle voulait plus prendre ça. C'était pour elle une représentation mal comprise de quelqu'un qui est en furie. Puis là, en attendant son mari, elle a cogité. Faut jamais que certaines femmes cogitent parce qu'ils arrivent à des choses comme ça. Cogite. Pour arriver à quelque chose, non, là, je ne l'attendrai pas avec un rouleau à pâte, mais avec une brique et un fanal. Le fanal, c'est pour le voir arriver, l'animal, puis la brique, c'est pour le frapper. Il dit, t'étais où? Avec quelle femme? Tu m'as trompé. Qui es-tu, mon hurluberlu? Alors, la première femme, c'est Gaétane Brisebois, ma coordinatrice de mon émission Errance Rénaldienne, qui, en 1977, à Saint-Pédis, ça c'est la paroisse Saint-Pédis à Québec, sur la rue de la Ronde. Je ne sais pas si vous restez sur la rue de la Ronde ou si vous connaissez la rue de la Ronde. Il y a rue Vitré, rue de la Ronde, puis bon, c'est dans la paroisse Saint-Pédis, comme je le disais. Elle habitait au sous-sol d'un triplex. Un triplex, attends un peu là, que je comprenne l'histoire. 6 appartements, non, un triplex. 4 appartements, tri. Ouais, mais moi, trier mes idées avant, là, mais trier quoi, le blanc, le noir. Je veux pas faire un lavage, moi, là, je veux juste comprendre. Oui, mais un triplex. Un triplex, tri. Oui. Je suis pas ici pour trier. Non. C'est 3 appartements. OK. Donc, elle est restée au sol. Mais c'est ça que je te dis. OK, comprends. Là, je commence à comprendre ça, ton histoire, là. Fait que elle, comme il faisait noir, elle avait mis juste en avant de sa fenêtre son fanal. Puis elle attendait son grand fanal, mais pas lumineux, lui, là, bien éteint. Même titubant. Gêné d'entrer là, lui-là, là, il savait bien ce qu'il attendait parce que c'était pas la première fois qu'il la trichait. Il peut pas revenir du bar, il n'y a plus de bar. Il peut pas revenir d'une soirée, il peut pas y aller. La gendarmerie est là, les militaires sont là, c'est les lois des mesures de bière, là, il était content. Non, on voit, il y a quelque chose qui va nous faire plaisir, les lois des mesures de bière. Mais lui, il avait pas compris que c'était pas bière, mais c'était guerre. Mais il cherchait la guerre, et où la guerre? Et chez vous, à tatin, avec un brique puis un fanal. Avec une brique puis un fanal. Ben, il dit, oui, non, une brique fanal, c'est ma femme. Mais sa femme, c'est une comédienne qui s'appelle Juliette Huot. Même si. Non, mais c'est parce que j'ai pas voulu vous dire son vrai nom. Elle me l'avait interdit jusqu'il y a à peine quelques secondes dans l'oreillette. On m'a dit. Elle t'autorise à nommer son nom et son prénom. Alors là, je saute sur l'occasion. Alors, Juliette Huot attendait son mari. Qui était qui? Cherchez un peu, c'est pas compliqué. Lui, il connaît ça. Qui était Olivier Guimond, personne ne le sait, là. C'est pas dans les livres, ça sera pas raconté dans des émissions. Mais Errance Rénaldienne, elle, a ouvert une enquête très sérieuse. On a appelé Claude Poirier. Ben oui, ben quand c'est des occasions comme ça, faut appeler des professionnels. On laisse pas tous ces renseignements à des amateurs. Donc, nous avons la chance, parce que Gaétane vient de me dire que nous avons Claude Poirier au bout du fil, de parler à Claude Poirier. Oui, c'est moi. OK. Alors, Claude Poirier, bonsoir. Bonsoir. C'est moi. Claude Poirier? C'est moi. Ouais, la ligne est mauvaise, hein? Êtes-vous avec un cellulaire? C'est moi. Oui, c'est vous. Mais voulez-vous, pouvez-vous répondre à nos questions? C'est moi. OK. La ligne est mauvaise. Est-ce qu'on on le fait raccrocher, puis... Oui. OK. Alors, nous avons... OK. Est-ce que la ligne est... Oui. Est-ce que c'est meilleur, là? Oui? Oui. OK, parfait. Claude, on sait que vous êtes un analyste judiciaire, vous êtes un maître, une sommité dans tout ce qui est criminel. Vous avez commencé dans les années 60, c'est bien ça? Là, vous avez entendu dire que une femme attendait son mari avec un brick, une brique et un fanal. Est-ce vrai? Alors vous, quand on vous a appris ça, vous avez embarqué ou vous avez pris votre véhicule pour rouler à Saint-Pédis, histoire de voir tout ça et de représenter comme vous l'avez fait pendant toute votre vie, hein, être un négociateur entre Juliette Huot et Olivier Guimond. Alors, quand vous êtes arrivé sur place, avez-vous vu une femme enragée, sortie de ses gonds? Alors, comme vous êtes habitué, hein, vous êtes un professionnel, vous savez les mots à utiliser pour peut-être, non pas amoindrir, mais essayer de faire comprendre ou peut-être même diminuer la colère de cette femme qui voulait simplement, ou simplement, c'est épouvantable, mais qui voulait battre son mari parce qu'il, soi-disant, était dans l'adultère. Mais vous, êtes-vous habitué de faire des sorties comme ça? Alors, c'est très courant, donc ça vous énerve pas plus que de discuter avec un criminel endurci. Bon. Alors, Claude, on veut pas non plus, parce qu'on sait que vous êtes très occupé, vous travaillez sur votre autobiographie. Avec une brique et un fanal, Juliette Huot voulait frapper Olivier Guimond. Mais comme c'est un être et un homme qui connaît la musique, il a décidé d'aller coucher chez son grand ami, même son bras droit, là, ce. Oui, exactement, Rénal Gagné! Je m'en vais. Si c'est le même, je m'en vais. Elle sonna à la porte. Ding dong. Ah, c'est mon mari, ciel. Allez dans l'armoire. Ah, ben là, rentrez dans l'armoire. J'ai pris un peu d'embonpoint. Comment rentrer là? Ah, enlever toutes mes soutiens-gorges. Oui, mais vous en avez pas. Ah, c'est vrai, je n'en porte point. Attendez, ça, c'est ma... Ouais, c'est ma nouvelle pièce de théâtre. Un vaudeville. Les gens aiment ça, les vaudevilles. Savez-vous pourquoi? Ça bouge beaucoup. Hein? Il y a de l'action. Puis, c'est pas trop compliqué. Mais dans mon cas, vous savez, comme c'est philosophiquement, intellectuellement de haut niveau, nous allons quand même gratter les dessous sociétals de notre univers contemporain qui ne se contente même plus de se regarder. Puisqu'ils sont... ils sont en plein calcul. Pas de parler. Il y a 2 mètres, là. 2 mètres. Je peux pas te parler, il est trop près. Attends, 2 mètres, on va parler à 2 mètres. Là, mets ton casque, mets ton bol, mets quelque chose dans ta mouche, là. Hein. Parle-moi pas de mouche à mouche, ça fonctionne pas. Elle va s'envoler, la mouche. Puis si elle s'envole, là, dis-toi que ça va, elle va pas atterrir dans... non, loin de là. Elle va pas sur un steak, elle-là, là. Elle s'en va porter le micro. Que tout le monde va mourir. Fait que non, va-t'en, je veux pas, le mouche à mouche, ah, j'ai peur. Non, mais mon laisse tes mosquitos. Non, mais mon laisse tes mosquitos. Non, mais mon laisse tes mosquitos. Retourne chez toi. Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique. Ne me pique pas. Moustique, mon vieux, tu vois trop petit. Tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi. Vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie. Non mais molest tes mosquitos. Non mais molest tes mosquitos. Non mais molest tes mosquitos. Retourne chez toi. Tu me vois mélancolique de te troubler ton pique-nique. Si tu me goûtes moustique, tu n'aimeras pas. Y'a des pays pleins de volupté pour un moustique de qualité. À Saint-Tropez, à Honolulu, tout le monde il est gros, tout le monde il est nu. Non me moleste mosquito. Non me moleste mosquito. Retourne chez toi. Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique. Ne me pique pas. Aujourd'hui, le lundi 11 mai 2020, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Oui, entre nous, désolé. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole au gestionnaire. On va être obligé de tordre le micro après, là. Hein? Il y a tellement de bave qui est rentrée là-dedans, là. Ça fonctionne à quoi, ça? Au millilitre? 15 millilitres, c'est une bonne émission? Attendons, on va peser. Oh, il y en a 18. Oh, on vient de... Ah, voilà, c'est le succès. C'est des trophées. Bravo, bravo, bravo. On va recommencer, OK? Merci. Aujourd'hui, le lundi 18... Non, le 18... Lundi, le 11 mai 2020, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée... Les valises trop lourdes. les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'auteur, compositeur, interprète, Loïc Desplanques. Qui est-il? Ne craignez rien, il nous racontera tout dans quelques minutes, car à partir de maintenant, c'est 100% Loïc Desplanques. À toi l'artiste! Du plutonium de 138, dans les couplets, dans les refrains, dans la guitare et l'afterbeat de l'iode 131. Un peu de césium 137, dès qu'on entend une voix de tête. Et pour finir, de l'uranium sur l'ad libitum. Petite chanson radioactive, il y a des chances qu'elle nous survive. On n'est pas près de l'oublier. On n'est pas près de l'oublier. Elle n'a pas besoin de promo, de clip ou de passage radio. Elle diffuse, elle émet elle-même, et tout le monde l'aime. Oui, elle irradie de bonheur, et son bonheur est contagieux. Dans le sang, le corps et le cœur, dans l'eau, dans les cieux. Petite chanson radioactive, il y a des chances qu'elle nous survive. On n'est pas près de lui. Les derniers survivants humains l'applaudiront de leurs trois mains. Et quand enfin ils seront morts, les cafards la chanteront encore. Ma chansonnette est terminée, et c'est bizarre, je saigne du nez. Je vomis et je me nécrose, j'ai dû forcer la dose. Petite chanson radioactive, il y a des chances qu'elle nous survive. On n'est pas près de nous. Chanson radioactive, il y a des chances qu'elle nous survive. On n'est pas près de l'oublier. On n'est pas près de l'oublier. On n'est pas près de l'oublier. On n'est pas près de l'oublier. Ça va? Tu vas, toi? Excellent, ouais, mais j'ai pas trop dormi comme d'habitude, là, mais c'est pas grave. Tu fais la fête? Non, je fais pas la fête, je fais beaucoup de travail, je fais du montage. Ah, tu fais du montage? Ah ben tu oui. Tu montes quoi, là? Pardon? Tu montes quoi? Ben, mes émissions de radio. Ah ben oui, du montage ben audiophonique. Oui. Ah ben oui, ben oui, ben oui. Ah oui, oui, d'accord. Et toi, ça va? Ben oui, ça va pas mal. Excellent. Je ferai la fête une fois de retour à Québec, mais là, pour le moment, c'est du travail, d'accord. C'est du boulot. Ouais, ouais. Ah, merci d'avoir accepté. Ben, c'est bien. Ben, on devait pas, à un moment donné, là, il s'est passé... Hier? Ouais, c'est ça. Hier, exactement. Non, ben, c'est-à-dire qu'en fait, moi, tu sais, je travaille à l'opéra parallèlement. OK. Donc... C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Je suis machiniste. Ah! Je fais ah, les ben, décors. C'est quand même dans le métier, c'est pas si éloigné que ça. Ouais, c'est pas très loin, c'est, ouais, ouais. C'est pas tout près non plus, mais... Mm-hmm. Et en fait, je devais travailler aujourd'hui, puis okay. Je travaille plus. Donc, bon, comme je viens de pas de tout près... Je m'étais dit si demain tu pouvais, okay. Top. Ouais. Mais bon. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? On enregistre là? Bah oui. Ah oui, d'accord. Tout est prêt. On perd pas de temps au niveau. Ok. Bah écoute, moi j'en fais depuis que j'ai 16 ans, j'ai fait un groupe de de rock avec des potes, comme tout bon adolescent qui se respecte. Ouais, c'est ça. Voilà, la, et puis, révolte, c'est ça, La révolte, une certaine conscience écologique, okay, au départ. Mais bon, c'était surtout pour faire la fête. Hein. Okay. Et puis ensuite, donc moi, à la base, je suis plutôt guitariste. Hein. Je me suis mis à la chanson parce que j'avais envie de finir des choses. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire de la musique assistée par ordinateur, etc. C'était le début, hein. C'était le début, voilà. Dans les années 90, fin 90. Okay. Et en fait, je faisais des petites versions, des petites musiques, etc. Mais manquait toujours une voix, donc j'ai fait pas mal de collaborations à droite, à gauche, etc. Mais c'est vrai que quand on peut faire les choses soi-même, ça va plus vite. Bah oui. Et on le fait surtout à notre manière, c'est ce qui est bien. Voilà, on le fait à notre manière et puis on ne se pose pas la question de savoir comment ça va se dérouler. Donc j'ai géré le problème de manière verticale en essayant de... Et donc je me suis mis à faire des petits textes. Qu'est-ce que tu voulais raconter ? Qu'est-ce que je raconte dans mes textes ? À l'époque, à l'origine, jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'était long. Hein. Au départ, finir un texte, c'était très compliqué. Donc, pourquoi ? Je sais pas. C'était une espèce d'immaturité. Je n'ai pas réussi, j'arrivais pas à finir. J'arrivais pas à trouver les mots, etc. Qu'est-ce qui était compliqué ? C'est le fait de... Oh, merci. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Je suis quand même habitué. Un habitué, mon jus d'orange est pressé. Voilà. C'est magnifique. Oui, moi je vais prendre un café allongé. Un café allongé. C'est gentil, merci. Donc, c'est ça. Le plus difficile, c'était quoi ? C'était d'aboutir la... D'aboutir des textes, etc. Puis à un moment donné, j'ai réussi, grâce à des collaborations aussi, en écrivant avec d'autres gens, etc. Je me suis dit, finalement, c'est pas si... Compliqué ? Oui, enfin, faut se lancer. Mais... Ouais, c'est ça. Faut y aller, quoi. Donc, oser, j'ai pondu pas mal de chansons à cette époque-là. Et puis... Il y a un petit label à qui ça a bien plu. Notamment, j'ai fait un morceau qui s'appelle LHOOQ. Okay. Donc, d'après le titre de Marcel Duchamp. Donc, c'est une chanson qui joue sur les lettres, ça. C'est bon ? Non, je regardais. c'est toujours certain. Vas-y. C'est une chanson qui joue sur des lettres, des allogrammes comme LHOOQ, dans ce style. Et donc à partir de là, j'ai fait un premier EP, ça devait être en 2010. Okay. Et donc qui est sorti, qui a donné ce qu'il a donné, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, faut bien l'admettre. Mais c'est quand même une sorte de présentation de ton travail. C'était ça, voilà. Donc, on peut pas oublier que c'est quand même important de savoir... Un premier coup d'épée. Et bien voilà, c'est ça exactement, voilà. Un début. Et ensuite, combien 2-3 ans après, j'ai rencontré un autre label, donc le label Chromatique. Ouais. Donc avec Nicolas Guéguin, qui est la personne avec qui je travaille en ce moment, donc qui a été clavier pour pas mal de personnes, notamment Bita Saillante, puis NTM sur des tournées, etc. Mmh. Et qui fait de la production maintenant essentiellement. Mais c'est quand même bien qu'une étiquette de disque s'intéresse à ton travail. Parce que c'est pas si évident. Non, c'est pas évident. Ouais. J'étais très content. C'est flatteur. Parce qu'il y a beaucoup de groupes, de chanteurs, de chanteuses qui galèrent et qui trouvent personne. Oui. Et qui sortent ça d'une manière très personnelle. Donc, toi, tu avais quelqu'un, un groupe qui te suivait et qui croyait à ton travail. C'est quand même assez élogieux pour un jeune qui commence. Oui. Bon, je suis plus si jeune. Hein. Je suis plus si jeune, mais... Non, mais à l'époque, j'ai... Oui. Et ça fait du bien de savoir que le travail plaît, et au moins de quelques personnes. Il y a un écho, c'est bien. Voilà. De toute manière, moi, donc comme je suis salarié parallèlement, j'ai pris le parti de faire juste ce qui me plaît, quoi, dans la musique. Ah oui. C'est-à-dire que je suis pas vraiment un cash-tonneur qui cherche à tout prix des plans... Donc, je ne fais que mes chansons à l'heure actuelle. C'est, C'est déjà beaucoup. Voilà. C'est bien. Et qu'est-ce que tu veux raconter dans tes chansons ? Qu'est-ce que tu veux aborder ? Alors, ce que j'aborde. Alors, dans le dernier album, je parlais des sujets très variés. Hein. Je parlais de l'ombre, par exemple. Ok. Je parle pas mal de la danse et de ma difficulté à danser. Okay. Je parle d'amour, évidemment. Il y a des chansons un peu d'amour, qui sont toujours tournées un peu un peu décalé. Ok. Pourquoi tu ne veux pas aborder le sujet de front, donc tu vas parler des tours Oui, alors ouais, on peut dire que c'est un détour, c'est vrai. C'est-à-dire que je trouve que, quelque part, les sujets en tant que tels, il n'y en a pas des masses, d'une part. Donc l'amour, c'est 80% des chansons qui existent peut-être Allez, 70%. Il y en a beaucoup. Et donc en fait, en parler, à la limite, c'est plus dans la forme qu'on peut se renouveler que dans le fond. Ben oui. Donc c'est pour ça que j'aborde les choses un peu différentes. J'essaye de les traiter de manière un peu différente. Et quelle manière tu les présentes, de quelle manière ces chansons-là, ces thèmes-là? Ah ben moi, d'une certaine manière, il y a toujours un peu un espèce de personnage un peu loser qui est derrière, donc qui peut se prendre des vestes, à qui peut arriver des mésaventures, et c'est plutôt par ce biais-là que je l'envisage, en essayant de dédramatiser un peu l'histoire. De mon côté, et puis... C'est quoi, c'est une écriture presque humoristique ou... C'est une écriture un peu humoristique, ouais. Après, je dirais que c'est pas vraiment du sketch, c'est pas de l'humour. Non. Mais c'est une écriture... Voilà, les auteurs qui m'ont plu, c'est beaucoup Boris Vian, qu'il arrivait à traiter... Actuellement, c'est bien. Et voilà. Donc c'était l'occasion d'en reparler, mais parce qu'il traite les sujets, justement, avec une certaine... avec un sourire un peu grinçant, ouais. Et c'est ça qui me plaît. Okay. Voilà. Et puis alors là, dans cet album, le nouvel album qui sort au printemps prochain, on a dû décaler un peu. Pourquoi ? C'était pas prêt ou... On a un attaché de presse qui nous a conseillé de faire autrement, de manière à... Toi, tu voulais sortir cet été, c'est ça ? Il était prévu au départ qu'on le sorte ça ce printemps, ouais. Bon, on n'était pas tout à fait prêt parce qu'il nous manque encore un clip là qu'on va faire dans la semaine prochaine. Mais lui nous a conseillé en fait de sortir d'abord un single, puis un autre single, puis un album en fin de compte. Et c'est comme ça que lui pouvait mieux travailler la com. Donc on suit ses conseils. Hein. Ah oui. Après bon, ça décale de beaucoup, mais de toute manière c'est compliqué de sortir. Un disque, ouais. Ben parce que c'est pas vraiment ce qui se vend le plus. Les gens cherchent de toute manière, la chanson. C'est ça. Et puis il y a plein de moments qui sont proscrits parce que à Noël c'est pas le bon moment. Pour les cadeaux, c'est quand même une bonne idée. Oui, mais pour les petites... Parce qu'il y a trop de sorties de disques aussi. C'est ça. Il y a toutes les rééditions de coffrets, etc. Ben oui. Donc ça, c'est pas bon. Et donc cet album, je parlera... Il y a pas mal de sujets, notamment sur les centrales nucléaires et l'utilisation du nucléaire. C'est politique, là. Politique, si on veut. Enfin, c'est de la politique de fond. C'est pas du conjoncturel. Non, mais c'est quand même un sujet qui n'est pas souvent abordé. Voilà, Quand même être honnête. Ouais, il est abordé. C'est jamais abordé. C'est rarement abordé. Higelin l'a abordé, Thiéfaine l'a abordé longtemps. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est peu abordé, ou alors c'est peu relayé. Je pense que des gens l'abordent, mais c'est pas trop relayé. Je tombe de mon grand lit carré et le refais au carré. Sur le coin de ma table carrée, je bois d'un trait mon café. D'ordinaire, je suis carré, je respecte les horaires. Mais ce matin, je suis carré, ment à la bourre et d'équerre. Veux-tu les courbes de mes hanches, les tourbillons de mon nuit blanche? Le carré a tous les droits. Tyrannie de l'angle droit. À l'envers, ça donnerait quoi? Carré? Ben, Eureka? Eureka, oui, j'ai trouvé. Comment extraire le carré de ma racine, de mon pré, de mes textes et de mes pieds. Veux-tu les courbes de mes hanches? Les tourbillons de nos nuits blanches? bien sûr. Les tourbillons de nos nuits blanches. Évidemment, ma chérie. Et contre un guide de l'Euro-Amanda. Ah bon? Le carré en quatre coins du monde. Parfois, même dans nos ébats, imbriqués comme deux pavés, le carré reprend ses droits. Je rêve d'une partie carré. Une partie carré. Parce que tout est un peu trop. C'est ça. Un tout petit. Et parfois même un grand. Plein de petits. Après, je parle de la consommation, je reparle un peu des souvenirs d'adolescents, le quart d'heure américain notamment, j'ai une chanson là-dessus, qui est un truc qui est un peu passé de mode. Dépendant, quand même, c'est quand même très actuel. Le quart d'heure américain? Bah, ça se démode jamais, je crois. Ah bon? D'accord. Bah, voyons. Parce que pour moi, le slow a disparu. Ah. Et c'est bien dommage. Ah. Mais. Peut-être qu'à la maison, on peut faire. À la maison, on peut danser les slow. Ah oui, c'est encore. Sûr que dans les boîtes de nuit, c'est pas ce qui. Il n'y a pas de slow. Mais dans les fêtes foraines ou. Ah ouais, bon, c'est vrai. Toujours, c'est vrai. Il y a toujours une bah, un moment ouais. de slow. Ben oui. Ouais. Et donc, est-ce que tu vois une sorte de. Un fil entre les albums? Est-ce qu'il y a quand même une continuité ou si tu veux à chaque fois. Faire autre chose, te démarquer, changer de style. Alors, pour cet album, j'ai choisi une certaine continuité. Ouais. Étant donné que c'est le deuxième, et que on peut dire que le premier, c'est une première pierre, le deuxième, j'avais pas envie c'est de... C'est la carte de visite. Voilà. Après, comme c'est moi qui m'occupe beaucoup des arrangements, avec Nicolas, on finit ensemble, etc., mais je lance un peu l'idée première, donc c'est un peu le style que je défends, et comme je suis avant quelque part d'être parolier, chanteur, musicien, j'ai un style qui me tient à cœur, c'est-à-dire un style un peu funky. Donc moi j'ai écouté beaucoup de funk, les George Clinton, les Zapp, etc. Ouais, ça sonne. Et donc moi c'est ça que j'aime fabriquer, et que j'aime écouter, etc. Donc je suis resté dans cette lignée, quoi. Pour l'instant. Après, peut-être que je ferai appel à des gens si l'occasion se présente pour faire autre chose, mais c'est difficile de se renouveler soi-même, ouais. En fait. Oui. C'est assez difficile. Parce que t'es près du sujet, c'est pas aussi évident que ça. Est-ce que tu vois dans l'écriture qu'il y a quand même une certaine évolution? Tu écris pas comme à l'origine? Ah ouais, en vrai, j'ai beaucoup plus de facilité à écrire déjà. Pourquoi? Parce que tu vis plus en de fait, choses? Non, pas spécialement. J'ai une certaine... Il y a une certaine routine dans ma vie, hein, faut le dire. Mais en fait, je pense qu'il y a des espèces de blocages intellectuels qui se débloquent. Justement. Ouais, c'est ça, qui se débloque. Voilà. Ça se débloque. Ouais, voilà. Et alors, j'ai plus de facilité aussi à retravailler un texte, okay. Sans avoir peur de mettre des grands coups de faucille dedans et tout retaper et remonter quelque chose. Donc oui, j'y arrive mieux. Après, les sujets, c'est encore un autre problème. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, comme je suis un peu désabusé face à la situation globale du monde, j'ai un peu du mal à avoir autant de légèreté. Okay. Et donc les sujets sont problématiques, et surtout la façon de les tourner à l'heure actuelle. Mais bon, on verra ça plus tard. Là, tu es rendu plutôt, c'est un album de constat, c'est ça? C'est un constat, oui, enfin, c'est plutôt une vision... Pessimiste? C'est pas franchement pessimiste, là, parce que c'est surtout assez grinçant, assez cynique, ouais. En fait. C'est la porte de sortie, le cynisme aussi. Ouais, c'est une façon de... Oui. Bah, c'est comme la dérision, c'est oui, c'est alors c'est peut-être plus de la dérision que du cynisme. Mais c'est vrai que c'est comment On se retrouve face à quelque chose qui nous dépasse nécessairement et c'est difficile de l'aborder et j'ai pas envie de verser dans quelque chose de triste ou de glauque. Ah ouais. Voilà, donc... Et du premier album jusqu'à celui-là, est-ce que tu as voulu donner un son à tout ça ou faire une suite au premier, au niveau sonore? Alors oui, au niveau sonore, on est vraiment dans une continuité, c'est-à-dire que ça reste assez funky, etc., un peu rock, mais assez électronique aussi, avec quelques recherches dans l'électro. Donc ça se continue bien à ce niveau-là. Et au niveau des thèmes et du traitement formel, je pense que je suis dans la même veine, oui, complètement. Toi, est-ce que c'est la musique qui amène les mots ou c'est les mots qui amènent la musique? Alors je commence par le texte, moi. Parce que j'écris les textes sans musique et je mets la musique par la suite. Et c'est vrai que j'essaye de trouver, à mon sens, une espèce d'adéquation entre la musique et les mots. Donc comme je traite les sujets de manière assez décalée, assez légère, il faut que j'ai une musique qui s'y prête, qui soit pas trop dramatique, mais qui me plaise, qui soit pas trop kitsch dans l'autre sens non plus. Donc il faut que j'arrive à trouver un juste milieu. Et des fois, c'est vrai que c'est ce travail qui est assez compliqué. Après celui des mots. Ouais. Est-ce que lorsque tu écris, tu as déjà une idée ou si c'est les mots qui t'amènent les idées? Alors moi, j'essaye d'avoir un espèce de concept formel au départ, okay. C'est-à-dire que comme une chanson hologramme, etc., où j'essaye de chercher, donc c'est de la recherche en fait, un peu à la manière peut-être d'Oulipo qui pose des bases formelles pour construire un texte. Moi, j'aime bien procéder comme ça, je le fais pas à chaque fois, mais j'essaye de trouver un fil rouge formel. Et après de faire rentrer le thème là-dedans, et donc c'est un travail, c'est une espèce de gymnastique mentale, c'est un peu comme du mot croisé. Ouais. C'est de la recherche. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais lorsque tu fais une chanson et que tu transportes ça en studio, est-ce qu'il y a beaucoup de modifications des mots parce que tu vois que ça sonne pas vraiment comme tu voulais ou si c'est vraiment que tu te concentres sur ce que tu as écrit, tu modifies absolument rien parce que tu trouves que c'est ça que ça doit. On doit valider vraiment la façon dont le sujet a été apporté ou tu ratures. Je rature un peu, mais c'est vrai qu'en fait, comme je m'enregistre au préalable, chez moi, ce travail, je le fais déjà chez moi, je vois ce qui sonne, ce qui accroche, etc. Alors c'est presque terminé quand tu rentres en studio? Oui, quand je rentre en studio, en général, c'est terminé. C'est terminé. Et de ton premier album jusqu'à aujourd'hui, as-tu essayé de placer ta voix, de trouver un style au niveau vocal ou, Ah ouais, complètement, parce que moi, c'est vrai qu'à la base, je suis pas... Alors j'ai fait très longtemps... j'ai tourné très longtemps avec un trio vocal, donc j'ai l'habitude un peu de chanter, de faire des harmonies vocales, etc. C'est une école, c'est une école qui est vachement intéressant. Après moi j'avais à la base pas une super voix, dans une harmonie vocale je me débarque bien, mais faut pas dire que je sois un chanteur à voix, donc j'ai cherché oui effectivement à placer ma voix au fil des années devant mon micro chez moi, à trouver un truc qui me correspondait, qui me plaisait. Par rapport à la voix, parce que c'est vrai que quand on s'enregistre la première fois, c'est terrible de s'entendre. C'est quelque chose, on s'habitue et on cherche. On cherche, on creuse. Voilà. Alors, le premier album, tu avais déjà trouvé ta sonorité, ta voix, ta manière de proposer une chanson, c'était préparé déjà. Là. Voilà, c'est ça. J'étais déjà assez prêt, je savais à peu près la façon dont j'allais poser ma voix et en fait il y a beaucoup de morceaux que j'ai beaucoup de morceaux en stock en fait. Okay. Ah oui. Ah. Donc quand on décide de les sortir, je les retravaille beaucoup, je les réécris beaucoup et je les réactualise complètement et je cherche la façon de phraser au passage. Lorsque tu écoutes ton premier disque, est-ce que ça a bien vieilli? Est-ce que tu en es encore fier ou... J'écoute très rarement mon premier disque. Okay. C'est toujours compliqué hein, parce qu'on les écoute longtemps en studio Et puis on perd un peu complètement le recul de savoir ce que ça vaut. Il y a toujours des regrets dans un album, mais bon, une fois que c'est là, c'est là. Et puis en fait, ça n'engage en rien, c'est-à-dire que on pourrait très bien imaginer de réarranger complètement les morceaux. Ah ouais, ouais. Là, c'est des morceaux qui sont très électroniques aussi pour des raisons budgétaires, c'est-à-dire que... Les musiciens, ça coûte cher. Les musiciens coûtent cher et c'est vrai que c'est assez appréciable de pouvoir aussi contrôler tout de bout en bout. Mm-hmm. Mais donc, c'est vrai que des fois, je me dis, tiens, j'aimerais bien entendre une batterie, un orchestre live sur le morceau, etc. Oui, peut-être que j'en aurai l'occasion un jour. Est-ce que lorsque tu fais un disque et tu présentes ça sur scène, tu modifies un peu la musique pour pouvoir présenter tes pièces musicales? Ou si c'est vraiment un genre de... Tu représentes vraiment ce que tu avais mis sur un disque, tu fais la même chose sur scène? Alors pas du tout, ouais. Parce qu'en fait, sur scène, on est trois. Salut, ça va? Ça va, et toi? Pas pire, pas mal, ma foi, normal. Bah moi aussi, comme un lundi, enfin bon, tu vois. Ouais, ouais, je crois. Et toi, sinon, pleine bourre, à fond? La frite, la forme, une pêche énorme. Super, tant mieux, t'as l'air heureux. Faut bien, c'est sûr, pourvu que ça dure. Des hauts, des bas, mais bon, ça va. Le B à bas, le quotidien. Un bon début, un beau débat. Et tout le monde va toujours très bien. Ça baigne, sans ça, ça gaze ou quoi? Car, coup ci, coup ça, de ci, de là. Sinon, et toi? Bah ça dépend des jours, du temps. Ça va, ça vient, bref ça se maintient. Ça bosse, la course, les gosses qui poussent. Toujours pareil, vivement le soleil. C'est vrai que ce temps de chien, c'est chiant. Des hauts, des bas, mais bon ça va. Le B à bas, le quotidien. Un bon début, un beau débat. Et tout le monde va toujours très bien. Et la famille? Ça va. Et la santé? Ça va. Et les amours? Ça va. Et les affaires? Ça va. Et les amis? Ça va. Et le boulot? Ça va. Et la famille? Non, excuse-moi, je l'ai déjà dit. En somme, ça flotte, mon pote. Ça biche, ma biche. Ça poutre, ma loutre. Ouais, ça roule, ma poule au poil. Tiens, v'là, mon bus. Bon, ben, à plus. Ok, salut. Mais on se tient au jus, hein? Des hauts, des bas. Mais bon, ça va. Le B à bas, le quotidien. Un bon début, un beau débat. Et tout le monde va toujours très bien. Des hauts, des bas. Mais bon, ça va. Le B à bas. Ni plus, ni moins. Un bon début, un beau débat. Et finalement, bah, ça va bien. Je travaille avec une choriste qui s'appelle Claire Delini, ouais, qui bossait avant avec les Matchbox, qui sont en train de se reformer là, ce petit aparté. Oh, ouais. Et avec Nicolas Guéguin, donc, qui produit et qui s'occupe sur scène de la guitare synthé basse. Donc on est trois, donc c'est vraiment des réductions des arrangements. Alors tu ramènes. Ouais, il y a la seule chose qu'on garde du disque, c'est les parties batterie, okay, qui sont jouées par l'ordinateur, hein, qui est assez en place, qui est bien. et qui se débrouille bien. Et nous, on fait le strict minimum. Il y a souvent plus de guitares en live parce que je m'accompagne. À la limite, je mets plus de guitares dans le live que dans la... Alors c'est peut-être plus acoustique sur scène. Un tout petit peu plus, bien que c'est quand même beaucoup de boîtes à rythme, guitare électrique, un peu de guitare folk aussi. Il y a des moments juste à la guitare folk. Oui, c'est quand même plus acoustique, on dira. Mais la complexité, lorsque ça, les artistes me le disent, et les chanteurs, les groupes, les chanteuses, c'est que lorsque tu veux placer ça sur la pastille, le disque, le plus difficile, c'est de trouver l'ordre des chansons. Ah oui, alors je ne me suis pas encore préoccupé de ça pour le prochain, là. Okay. Et c'est vrai que l'autre fois, c'est Nicolas qui l'a proposé. Et... Alors, comme j'ai aucun... Qu'est-ce qu'il a proposé? Nicolas Guéguin, c'est... Ouais. Le mec avec qui je bosse. Ouais. Mais il a proposé quoi? Il a proposé une suite logique, voilà, selon lui, quand même. Alors, c'est vrai que moi, c'est un... Alors peut-être que c'est important, mais je me suis jamais posé la question, en vérité, de savoir si c'était important. Alors tu les places n'importe comment? Un peu n'importe comment, ouais. Après, on va essayer de mettre le potentiel single pas trop loin du début, parce que... c'est ça. Faut quand même que les gens... On peut se rattacher rapidement à ce qu'on a entendu, là, quand même. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est un sujet qui m'échappe. OK. Ouais. Alors donc, on peut dire que les chansons n'ont pas vraiment de lien entre elles? Non, elles n'ont pas de lien. A priori, non, c'est un peu des billets d'humeur. Donc chaque chanson a son indépendance. Le travail de studio, c'est quand même un travail assez laborieux. Est-ce que tu sais à quel moment tu t'arrêtes? Ou si tu veux toujours peaufiner, rajouter quelque chose. Ah oui, alors moi je suis du style à toujours. Je trouve ça très très difficile de mettre un point final à sa structure difficile. Musicale. Ben oui, c'est ça, à quel moment je m'arrête? Ah ben le moment, c'est au moment où il faut sortir quelque part. Hein. Ah ouais, c'est ça. Il faut arrêter. Ouais. Mais c'est alors vrai c'est qu'on on pourrait... Alors, on sort donc l'album au printemps, mais je pense qu'on aura fini l'album en septembre, puisqu'on l'aura bouclé. Il est au mix là, actuellement, là, vous le mixez? Il est au mix, oui, il est bientôt fini de mixer, on le fera masteriser, je pense, en septembre. Ok. Mais c'est vrai que s'arrêter, c'est compliqué, parce qu'on est... c'est toujours perfectible, hein. Après, c'est pour ça que j'ai besoin de travailler avec quelqu'un, d'ailleurs, parce que sinon, je m'arrêterai jamais. C'est ça, et puis je sortirai jamais. Arrête, c'est ça. T'en enlèves, on revient à la même structure, quand même. Oui, après, on finit par... par mégoter. La chanson, quand tu l'écris, quand tu écris ton texte, est-ce que la musique se pointe toute seule, ou si tu as vraiment bossé, est-ce que tu essaies de faire sonner les mots pour plus de facilité à placer une musique dessus? Alors moi, j'écris comme j'écris sans musique, j'écris, faire sonner les mots? J'écris en vers. Okay. En vers avec des pieds, un nombre de pieds. Avec les césures et tout le truc. Oui, c'est très académique comme façon d'écrire. Ouais. Mais ça me permet d'écrire assez rapidement parce que du coup, j'ai un canevas déjà, parce qu'il me faut une forme, c'est vrai, souvent. Et donc à partir de là, nécessairement, en fait, quelque part, ça se met bien sur un rythme, puisque. Le texte est déjà lui-même rythmé et rimé, donc ça se pose assez bien sur un rythme. Est-ce que ça te surprend tout le temps quand la chanson est finie, que tu l'écoutes, ça donne ça, c'est quand même... tu te surprends de toi-même? Est-ce que ça arrive? Oui, au départ, quand le premier jour, quand j'ai sorti le morceau, je l'écoute, ça fait plaisir. Ah oui, c'est quand même pas si mal. Là, ça fait plaisir. Ouais. Et puis après, toute la partie de... réarrangement, etc. Là, c'est quelque chose de plus laborieux. Ouais. Ou, Mais le premier jet, la première écoute, te surprend tout le temps. Oui. Ah oui. Ouais. C'est un peu, c'est son petit bébé, quoi. Alors, au début, on est tout... Est-ce qu'il y a des mots que tu as placés sur une chanson qui te surprennent, qui te fascinent, disant, j'ai dit ça? C'est quand même... Non, pas franchement. Par contre, c'est vrai que des fois, je suis étonné de voir que j'ai réussi à finir le morceau. Ah ouais, okay, parce ouais, que comme j'avais beaucoup de difficultés au départ, je me dis, ça se tient quand même. J'ai eu le fil conducteur et j'ai eu le point final. C'est ça. J'ai réussi à aboutir l'histoire et ça, c'est plaisant. Ouais. Aimes-tu improviser sur scène ou c'est c'est quand même assez carré, il n'y a pas trop de... Alors c'est improvisé dans les interactions avec le public, disons. Ok, mais pas dans la chanson. Dans la chanson même, pas trop, parce qu'on parce est un peu... Parce que c'est déjà une boîte à rythme, hein, c'est ça. Déjà programmé. C'est ça. Mais quand c'est acoustique... Oui, on fait un peu d'impro, mais pas... bon, ça reste des chansons, donc la ouais. chanson, elle est déjà vachement... Elle est déjà vachement cadrée. Et bon, c'est vrai qu'en fait, au final, moi qui ai joué aussi avec des groupes ouais. où on n'avait pas de machine, en fait, et donc pas de cadre, c'était finalement assez rare qu'on dévie. Donc en final, ça revient un peu au même. Donc, moi, c'est ça, t'es pas bon, on ne fait pas du jazz non plus, c'est pas de l'impro total. Voilà. Mais quand tu écoutes ton premier opus, c'est parce que l'autre est terminé, tu es au mixage, donc tu sais un peu comment ça va se dérouler, la chanson est placée. Là. Ouais. Hein, c'est ça, t'as vraiment le gros noyau qui est ouais. fait. Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même un lien entre le premier et le deuxième? Est-ce qu'il y a quand même la sonorité est la même? Parce que je t'ai posé la question, mais on n'a pas vraiment... Ah oui, oui, complètement, dans la mesure où ça reste beaucoup mes arrangements, et donc... Ma façon de faire, ma façon de produire la musique, c'est-à-dire quelque chose d'assez funky, avec des basses assez en avant, pas mal de guitare et la boîte à rythme qui ouais. quand même... Depuis 8-9 ans, est-ce que tu sens qu'il y a un public qui te suit? Est-ce qu'il y a des, un petit groupe, un opuscule? Oui, il y a un groupuscule qui commence à me suivre là, j'espère qu'on fera mieux sur cet album-là. Et puis bon, parallèlement, je sais pas si tu es allé voir, mais ce que j'appelle des bidouilles vidéophoniques. Ah non. Ah non, t'as pas vu. C'est des espèces de remix. Ce sont des remix d'extraits de films. Ok. Ah, c'est bien. Que je mets en musique. Donc, en anglais? Non, c'est essentiellement du cinéma français. Ok. Bon, parce que moi, c'est quand même la langue française que je maîtrise et qui m'intéresse ouais. avant tout. Hein. Après l'anglais, moi je suis pas très bon en anglais malheureusement. Et heureusement parce qu'il faut quand même chanter en français. J'aurais bien voulu être autonome en anglais et puis pouvoir chanter en anglais, ça m'aurait plu. Et donc ça permet justement, l'intérêt du français c'est que le public de chansons françaises est vachement... satisfait. Satisfait, j'en sais rien, mais en tout cas il est très, très pointilleux. C'est-à-dire ouais. qu'il attend d'un chanteur français qu'il fasse du texte qui ne soit pas des chansons, enfin des paroles lambda, quoi. Mmh. Et donc, alors que j'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression, qu'en anglais on a peut-être la possibilité de chanter les paroles juste pour le plaisir de chanter, en fait. Mmh, okay. Voilà, on dit, on prend on des peut mots. Peut mettre n'importe quoi, peu importe si ça sonne, tant mieux. Je sais pas. C'est des fois l'impression que j'ai, et je me dis que bon, ça me ferait plaisir de pouvoir chanter juste pour chanter. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit. Donc films, voilà. Alors les films. En fait, j'extrais des petites parties de dialogue ou de trucs. Disons les tontons flingueurs, ok? Disons les tontons flingueurs, tu prends des... Par exemple, les tontons flingueurs, oui, je suis vachement dans le cinéma d'Audiard, bien sûr. Ouais. Et je prends des petites parties de texte et j'essaye d'en extraire la mélodie, de trouver la mélodie qu'il sous-tend et d'essayer d'en faire un petit morceau avec un petit refrain, etc. Est-ce que tu le fais sur scène? Non, pas encore. Ah, okay. Parce que ça demande beaucoup de moyens. Il me faut un rétroprojecteur, il me faut ceci, il me faut cela. Donc, comme ça pourrait pas marcher dans toutes les scènes que je fais, parce qu'il y a des endroits qui sont trop petits, avec trop peu d'infrastructures, pour l'instant, je le fais pas. Mais j'aimerais bien le faire, ouais, parce que... Et la réception Eh ben oui, ça marche assez bien. C'est-à-dire que là, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ça prend un peu. Les gens aiment ce genre de choses. La soirée promet d'être belle car la piste est pleine à craquer. de ravissantes demoiselles et j'entends bien en profiter. Mais je connais que la danse des canards et j'ai un truc qui ne m'aide pas. C'est un balai, mais pas béjard, planté derrière un peu plus bas. La danse n'est pas ma tasse de bière, je n'y suis pas dans mon élément, comme un poisson échoué à terre qui se tortille désespérément. Pourtant, lorsque j'étais marmot, je rêvais de West Side Story, de jouer du flingue et du couteau entre de belles chorégraphies. Danse, c'est facile, oh oh oh, danse. Facile à dire, ouais. Oh oh oh, danse, c'est facile, oh oh oh, danse. Ouais, c'est ça. Oh oh oh. Il faut que j'enlève ce balai, au moins le manche, ce serait parfait. Danser, ça doit sûrement être bien, ou je suis entouré de crétins. Alors j'esquisse l'ébauche d'un pas, mais ma tentative tombe à plat. La déception, le désespoir me conduisent devant le comptoir. Après 44 picombières, ça y est, je danse, et comme personne. Parfois debout, souvent par terre, on est très loin de Michael Jackson. Il ne me reste qu'une chose à faire, dénicher la femme de ma vie. Et ce n'est pas une mince affaire, vu l'état dans lequel je suis. Danse, c'est facile. Facile, facile à dire, ouais. Danse, c'est facile. Danse. Je préfère dessiner. Ah ouais, c'est ça. De l'autre côté de la salle, belle, immobile comme une vestale. Elle est bien là, je l'aperçois, c'est ma princesse, ma Maria. Vision floue et sentiment vague, je m'approche d'elle en zigzag. Elle est très belle, mais tout est trouble. Elle est très belle, mais je vois double. D'un bond, je me jette pour l'embrasser, mais j'atterris juste à côté. Dans l'élan, je mords la poussière, les mégots et les flaques de bière. Et incroyable, je décolle, et je ne touche plus le sol. Mais quel est donc ce doux transport? Est-ce la grâce? Est-ce la mort? Non, un videur m'a foutu dehors. C'est facile. Ouais. Danse, c'est facile. Ouais, c'est ça. Ouais. Danse, c'est danser, facile. Danser. Je t'en foutrais des danser, moi. Tu vois. C'est facile. On va pas, danse, pas passer la soirée facile. À danser. Danse, je crois que ça suffit, là. Ouais, stop. Sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagné. Y a du suspense dans cette chanson? Ben non. Des aventures, un peu d'action? Ben non. De la sueur, du sang, des larmes? Ben non. Des luttes épiques et des faits d'armes? Ben non. Y a de l'amour dans cette chanson? Ben non. La poésie, de l'émotion? Ben non. papillons, des petites fleurs, bah non. Des mots tout droit sortis du cœur, bah non. Y'a pas grand chose dans cette chanson, y'a presque rien. Juste quelques phrases à la con et un refrain, alors dansons. Pour la sublimer, dansons. Pour la transcender, dansons. Pour la magnifier, dansons. Pour ne plus y penser. De la comédie, de l'humour, bah non. Des jeux de mots, des calembours, bah non. Un petit peu de légèreté, bah non. Un soupçon de second degré, bah non. De l'engagement, de la subversion, bah non. Une quelconque prise de position, bah non. Du sexe, du rock'n'roll, des femmes, bah non. Une tragédie, des cris, un drame, bah non. Y'a pas grand chose dans cette chanson, y'a presque rien. Juste quelques phrases à la con et un refrain, alors dansons. Pour la sublimer, dansons. Pour la transcender, dansons. Pour la magnifier, dansons. Pour ne plus y penser. Y'a du travail dans cette chanson, bah non. Des rimes, des allitérations, bah non. Des assonances, des métaphores, bah non. Des litotes ou des oxymores, bah non. Cette chanson est vide de sens, à l'instar de nos existences. Et en ce sens, elle a un sens et un refrain, alors dansons. Pour la sublimer, dansons. Pour la transcender, ou bien crions. Pour la magnifier, ou bien dormons. Pour ne plus y penser, c'est ça, dansons. Pour la transcender, dansons. Pour la sublimer, ou bien crions. Pour la magnifier, ou dormons. Pour ne plus y penser, oui, dormons. Oui, ce serait peut-être mieux, oui. Attention, tout le monde dort maintenant. Éventuellement, est-ce que tu vas en faire un 10? Alors, bon, après se pose la question des droits d'auteur, c'est-à-dire que je suis ouais, pas... Ouais, mais après 50 ans, il n'y a plus de droits d'auteur. Ah oui, bah on laisse... C'est quand même plus récent. C'est quand même trop récent, ouais. Okay. À la limite, il y a des morceaux de... que j'ai fait avec Louis Jouvet qui pourraient se... Enfin, c'est 50 ans après la mort de l'auteur, donc c'est... Bon, bref. Ah oui, après la mort de l'auteur? Après la mort. Après la création de la... Non, okay. Non, non, c'est la mort de l'auteur. Oh, okay. Donc, non, de toute manière, bon, c'est avant tout un amusement, puis ouais. Bon, ça me permet un peu de rester en contact avec les gens en sortant ces petits trucs assez fréquemment. Voilà. En fait, souvent. Comment ? Ah, est-ce que tu en fais souvent ? J'essaye d'en faire au moins un par mois. Ok. Voilà. Ah, c'est une genre de contrainte, une fois par mois. J'essaie. Bon, j'ai essayé d'accélérer, mais c'est, avec tout ce que j'ai à faire, j'ai du mal. Est-ce que c'est des films que tu aimes ou si c'est... C'est les mots qui te, et les phrases et les retours qui te plaisent. J'essaie de choisir des films qui me plaisent, ouais, mais pas seulement. Des fois, je tombe sur des trucs où j'ai pas vu le film, mais je tombe sur des petites séquences comme ça que qui sont super chantants. Louis de Funès. Ah, je l'ai fait. Bah oui, ouais, quand même assez, nécessairement, j'en ai fait un là. J'ai fait. Alors, j'ai choisi un film qui est pas très connu là. Il s'est fait sauter la banque avec Marielle. Ouais. Bah, il n'est pas connu. Mais il y a une petite séquence où il dit qu'il saute tout le temps et qui est très marrante parce qu'elle est complètement absurde, surtout sortie de son contexte. Et j'aime bien quand c'est absurde. Et sa chanson-là dure quoi, 2-3 minutes ou Non, c'est des petites chansons qui durent 1 minute 20 par là. Okay. Un peu punk. C'est, voilà, c'est au format, c'est au format réseau social. Quoi. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et puis. C'est souvent très funky. Là, je m'en donne à cœur joie. Ah oui, ben oui. Je fais ce que j'aime. Ça, à l'aise, en plus, c'est ton univers. Hein. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu sens que tu as des événements? Est-ce que tu sens qu'il y a des événements qui font prendre le crayon? Oui, bien sûr que. Enfin, je suis pas trop en réaction. Aux événements qui se produisent comme ça au coup par coup. Okay. C'est après coup? c'est après coup, et puis bon, je suis pas trop dans un traitement, disons, conjoncturel, des chansons conjoncturelles. Tu fais pas d'actualité non plus. Je fais pas de l'actualité, non. Quelque part, je sais pas, ça me déplaît un peu, la chanson d'actualité. Okay. Parce qu'elle a quelque chose d'un peu... elle est vouée à être un peu obsolète, quelque part, et puis... au-delà de ça, bon, quand on a le nez dans le guidon, voilà... On n'a pas vraiment de recul, donc on peut dire vraiment voilà. Chaud, puis on le regrette après, parce que c'était pas vraiment ce que la personne, le créateur voulait dire, mais quand tu es sur le choc, ben, tu peux dire à peu près n'importe quoi, parce que l'émotion est là. C'est ça, voilà, c'est ça. Et puis bon, ça m'obligerait à être un peu, certainement un peu glauque, que j'ai pas envie. Est-ce que tu trouves que dans ce deuxième album-là, ça a été plus facile à lancer, à proposer, à écrire, parce que le premier a déjà été... Tu sais, t'avais ton son, t'avais ton écriture, donc le deuxième était plus facile à fondre, ou si c'est plus compliqué parce que tu veux pas non plus refaire ce que t'as fait dans le premier album, ça c'est quand même assez difficile. Puis souvent dans le premier album, c'est du vieux texte, c'est des vieilles choses que tu traînes depuis 9 ans, donc tu places sur la pastille. Je sais pas si c'est... Je trouve, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que moi j'avais encore des morceaux que j'ai réhabilités, que j'ai mis parce qu'ils me tenaient à cœur. Donc quelque part, à ce niveau-là, c'est un peu pareil. En revanche, disons que le premier album, il y a une certaine fraîcheur. On ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas si ça va marcher ou pas, puis on s'en fout. Le deuxième... espère quand même qu'on va transformer l'essai. C'est vachement... plus des courses pour le deuxième. C'est là. Ça. Parce que là, il y a un public, le bouche-oreille s'est fait. Donc, puis en plus, tu proposes un deuxième disque, donc il y a une attente. Il y a plus de pression. Moi, c'est ça. Même s'il n'y a pas d'attente, il y a plus de pression, parce que quand même, le premier album, on a sorti ce single, C'est Yé, qui est quand même passé sur FIP et sur pas mal de radios. Et là, on a la pression. Est-ce qu'on va réussir à faire aussi bien? On ne sait pas. Sur scène, es-tu un traqueur? Tu sais contrôler un peu tes émotions? Ah oui. Sur scène, oui, j'ai l'habitude de... Alors, t'as pas de trac? J'ai très peu de trac, non. Ah ouais? Non, mais c'est vrai que là, on est trois sur scène. C'est assez familial et... Non, j'ai pas de trac parce qu'en fait, c'est un projet qui est un peu... Je me sens pas vraiment un professionnel de la profession, étant donné que je suis salarié à côté, que je m'envisage chanteur sans vraiment être un chanteur à voix. Je me sens pas obligé de fournir un haut degré de technicité en voix. Autant quand j'étais simple guitariste, j'avais énormément de trac parce que j'avais une pression technique. Ah oui, tu préfères. J'étais jamais satisfait de mes performances. Qu'est-ce qui te déplaisait? C'est que tu t'étais jamais mis à fond? Tu sentais qu'il y avait une retenue? Ah, j'ai beaucoup travaillé la guitare à un moment donné, donc plus on y travaille, plus on est exigeant. Ouais, ben oui. Et bon, maintenant, je suis plus dans un mode un peu punk. C'est-à-dire que... On y va. Voilà, j'ai envie de donner quelque chose. On verra. Après, si la prestation a quelques défaillances techniques, c'est pas grave, je passe au-dessus, ça me déstabilise pas du tout. Au contraire, tu l'utilises. Voilà, je trouve ça. Pour relancer. Voilà, voilà. Attends, je pense que les gens, c'est ce qu'ils attendent aussi, c'est-à-dire que ce soit. On n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour avoir du plaisir, hein, y a un public. Si les gens souffrent en jouant parce qu'ils sont insatisfaits, pour le public, c'est très douloureux. Ouais. Et puis bon, voilà, moi, on n'est plus là-dedans. Moi, je suis trop vieux pour me prendre la tête là-dessus, en fait. Alors, tu laisses aller. Voilà, je laisse aller. Et puis, Est-ce que tu as travaillé ta prestation, ta façon de te présenter sur scène? Ah oui, on a un peu travaillé, pas énormément. On a une résidence... oui, on a fait pas mal de films, de concerts déjà. On n'a pas eu l'occasion de faire une résidence là. On va en faire une à Massy, là, à l'espace Paul B, qui est un super endroit... où on va bosser plus sérieusement la mise en scène, etc. Avec des professionnels? Avec des gens qui sont sur place, oui, des techniciens, etc. On n'aura pas de metteur en scène, malheureusement, mais on va essayer De faire avec. Ouais. On va se débrouiller, mais oui, on a commencé à monter on a fait un peu de mise en scène, mais quelque chose de très basique pour l'instant. Mais on y travaille un peu à chaque fois. On voit ce qui marche, on corrige le tir à chaque fois. On voit ce qui marche un peu sur scène, ce qui ne marche pas. Et voilà. Après, il faut que ce soit. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit carré. Il ne faut pas que ce soit trop écrit, parce que quand c'est trop écrit, ça fige un peu l'histoire. Ouais. Et tu veux pas des chorégraphies, là. Tu veux quelque chose à simple. Une chorégraphie, à la limite, pourquoi pas. Mais de toute manière, dans mon univers, une chorégraphie, ce sera jamais à l'américaine. Ouais. Ultra léché, ouais. Ce sera toujours quelque chose d'un peu... Une ébauche. Hein, une ébauche, je sais pas, mais quelque chose d'assez léger, léger et que tout le monde pourra reproduire sans aucun problème. Ouais, c'est ça. Léger, voire un peu ridicule parfois, ce qui me tue pas et qui rend plus fort. Et si surtout ça appuie la façon dont il a écrite la chanson, si ça amène le côté un peu plus ridicule ou un peu plus rigolo, ça va comme faire sens, ça va prendre un sens. Ça va prendre sens, exactement. Avec la chorégraphie. Ouais. Donc, ouais. Est-ce que tu mêles les musiciens avec tes chansons? Est-ce qu'ils collaborent en dansant ou en bougeant, ou s'ils sont très musiciens, ils sont dans leur monde? Puis... Ah non, on est tous... À servir la même chose, non, c'est pas des musiciens de studio, ils ont bien compris l'esprit. On vient tous un peu de ce type de spectacle, c'est-à-dire un peu la veine. Donc, moi je dirais la chanson française qui part un peu de Boris Vian, pas dans le style, mais dans la forme, qui pourrait être après Areski et Brigitte Fontaine, Iselin, Philippe Catherine aujourd'hui. Cette veine-là, et donc les VRP aussi. C'est un peu du spectacle. Ah oui, c'est ah pas oui. simplement parce que sinon, une prestation musicale. Oui, c'est ça, sinon on reste à la maison et on écoute le disque dans le salon. Oui, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux proposer sur scène? Qu'est-ce que je veux proposer sur scène? J'essaie que ce soit un moment de partage quoi, avec le public. on a beaucoup d'interactions, des trucs un peu... parfois un peu crétins, mais... Bon enfant. Assez bon enfant, oui. Il y a une espèce de côté bon enfant, voilà, derrière le grinçage. Enfin, devant même. Donc c'est ça, c'est assez bon enfant, il faut que ce soit festif. Et voilà, que les gens prennent un peu de plaisir. Ah ouais, ben là, hein. Et nous aussi. Ben, d'ailleurs, normalement, c'est intimement lié. C'est ça, mais normalement, si vous avez du plaisir, les gens en ont. Normalement. Hein, parce que ça se voit. Ouais. Ça se voit, les fous rires, les regards, un peu, ouais, c'est ça, exactement, bon enfant, donc gens sont très favorables à ce genre de discours-là. Ouais. Hey, j'ai 10 questions, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Si tu étais un liquide... Un quoi? Un liquide. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Oh là là! moi, j'hésite entre de l'eau et de la bière. Hein. Ah, ben là! Mais parce que... Faut mettre la bière dans son eau. Non, voilà, c'est pas ça. C'est ça. Ouais, quelques glaçons dans la bière. Ouais. Ah oui, c'est ça. Oui, bon, moi, je suis un amateur de bière, essentiellement. Hein, et donc. Aimes-tu le microbrasserie ou si c'est des bières connues? Bon, je vais pas donner de marque, mais moi, j'aime bien la bière de soif. Ok, ah j'aime ouais. bien la bière, la petite blonde, pas trop forte. Qui fait rire, qui désaltère, voilà. Quand tu fais chaud, ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. C'est vers quelle heure, ça? Ah bah, ça dépend, mais c'est plutôt le soir, hein, ouais. quand même. Okay. Après pas le déconner. Spectacle. Après le spectacle, ouais. après, de toute manière... de toute manière, c'est heureusement pas tous les jours. Et puis, ouais, ouais. Et puis voilà, mais je suis un bon amateur de bière. Si tu étais une ville. Ah, une ville écoute, je sais pas, moi j'ai longtemps vécu à Paris, donc j'ai pas mal bourlingué dans Paris. Tu viens de Paris De banlieue parisienne. Hein. Mais donc j'ai vécu longtemps, j'ai bien bourlingué, j'ai bien fait la fête à Paris. C'était très chouette, des bons souvenirs. Et là, je suis plus sage maintenant, ouais. Je me suis un peu calmé. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'oppressant. C'est vrai que quand on la quitte, après on revient, on se dit « Ah oui, quand même, il y a du mouvement. Hein. » Ah ouais, ça bouge. Ça bouge. Ben, c'est une ville vivante. Hein. Ah, c'est vivant, ouais. Quel arrondissement, normalement c'est... Ben, j'ai vécu pas loin d'ici, dans le 18e, okay. puis après dans le 13e. Et là, tu es dans le 13e arrondissement. Ouais. Si tu étais une langue... Ah ben, le français, ouais. parce que c'est quand même la seule que je maîtrise, ouais. Malheureusement. Mais... Voyons, vive la France. Ouais, enfin, vive la France. Hein? Si tu souhaitais une époque. Ah, ben, vu comment ça se goupille, là, j'aurais bien vécu les années 60 en tant qu'adolescent, jeune adulte. Je pense que c'est une génération qui a été vraiment vernie. Et qu'on peut envier, hein, bah, c'est la génération de mes parents. Pour rencontrer Bob d'ailleurs, Dylan, peut-être. Notamment, ah. ouais, je pense qu'il y avait une bonne folie et puis côté festif, à la fois absurde, qui m'aurait bien plu. Mmh. Prévert était là, il y avait tout ce monde-là. Exactement. Ouais. Ouais. Si tu étais un mot. Hein? Un mot. Un mot. Un mot. M-O-T. Ouais. Pas M-A-U. Ah oui, mot, pardon. M-O-T. Un mot. Et tu avais compris quoi? Un mot. Ah non, non. Un mot. Oh, je veux dire, voilà. L'Everest, peut-être. Si c'était un mot. Un mot. Là, c'est plus simple quand même. C'est plus global, ça. Ah là là. Un mot. Alors là. Je sais pas, là. Okay. Je ne sais pas. Dans la langue française, j'ai une... J'ai toujours été attiré par les mots en « hoc » ou en « hic ». Ok. Et Ça sonne et je trouve que c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment français, quoi. Il y a quelque chose, on les retrouve pas beaucoup. Dans le style loufoque. Voilà, okay. C'est ça. Ouais. Un peu, ouais. Si tu étais un... Mais on dira pas que ton mot c'est loufoque parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Oui, c'est toi qui l'as trouvé, ben oui. C'est vrai. Si tu étais un aliment. Un aliment... du pain. J'aime beaucoup le pain, je le digère de moins en moins bien. Pourquoi? Mais... T'as un problème de digestion. Ah, j'ai l'impression. Ah ouais. Alors t'aimes bien le corps du Christ. On va. Hein? Tu aimes bien le corps du Christ. Ah, oui, j'aime beaucoup le corps du Christ. Mais je préfère avec de la levure. Ah, ben hein? c'est plus intéressant. Ouais. La croûte est plus goûteuse. Ouais. Si tu étais une saison. Une saison. J'aime bien le printemps. Mais en fait, d'une certaine manière, je me fous un peu du temps qu'il fait. Ça m'est relativement indifférent, ça m'ennuie pas, ça me dérange pas, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, chaud, ça me va. Disons que t'es pas sensible à tout ça. Ouais. Voilà, le printemps c'est bien, il fait pas encore trop chaud, c'est vrai que quand il fait trop chaud ça devient un peu dur. Toi, s'il y a 10 jours de pluie, tu seras pas morose, ça te dérange pas? Non, parce que c'est pas musique. Ça qui me rend morose, quoi c'est, qu'il en soit. C'est parce que tu écoutes ta musique, quand ça donne un peu de un peu de légèreté. Peps, c'est voilà. Ça, exactement. Si tu étais... Ah ouais, c'est une belle publicité, hein? Ouais. C'est merveilleux. Ouais, ouais. Si tu étais... Ça arrive tout seul, dans mon cas. Si tu étais un membre corporel? Un membre corporel, ouais, certainement un des deux bras, parce que... C'est dur de jouer les plutôt sans bras. Voilà, c'est plus... Avec le mignon, plutôt c'est... le droit, quoi ouais, qu'il ouais. En soit, parce que... Bien que le gauche pour la guitare est bien pratique, bah ouais. Mais pour créer la note. Ouais, par exemple, ouais. Oui, un bras. Un bras. Si tu étais, on a presque terminé, ne t'en fais pas. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée, alors ce serait surtout pas le matin. Tu n'es pas un gars du matin? Je suis pas un gars du matin. Comme là, c'est très très tôt là. Ouais, moi j'ai fait un effort ce matin, mais. Tu te couches très tard, c'est pour ça? Non, mais je me lève très tôt, mais c'est pas ça le problème, c'est que j'ai tu fonctionnes pas le matin. Je fonctionne pas, mais je suis un peu maussade le matin. Ok. D'emblée. Ok. Alors non, c'est pas le matin. Je crois que je suis un gars plutôt du soir. Je commence à. Ouais, parce que j'aime bien. À boire de la bière, donc le sourire apparaît. Ah ouais, il y a peut-être un peu de ça, mais... Si je te fais dire des trucs, c'est pour ouais, mais c'est pas bien ça. Alors j'aime bien. C'est que c'est pour bien, c'est pour ça que je le fais. Si tu étais un autre individu... Est-ce que tu prends ton verre d'eau? Non, vas-y. Okay. Si j'avais été un autre individu... Bonne question. Ah, j'aurais été qui? Compliqué ça comme question. Je vais pas nécessairement chercher un chanteur, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Personne. Ouais. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui ont des vies enviables. Après. Une en particulier, honnêtement, je vois pas, je sais pas. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Je sais pas quoi. Est-ce que je ferais le même chemin? Pour l'instant, je suis plutôt satisfait du cursus. C'est pas mal. J'arrive à trouver une forme d'équilibre entre mon travail et ma création, mais c'est vrai que je suis toujours un peu sur le fil, enfin ça, je bosse beaucoup quoi en fait, okay. Entre les deux, c'est vrai que j'arrête pas, et bon, tôt ou tard, il va falloir que je passe le pas et que je fasse que de la musique comme je faisais avant. Ouais. C'est vrai que là, c'est assez confortable parce que je suis pas... Mais t'es pas intermittent. Je suis pas intermittent, non. Ah, non, moi je suis salarié et de ce fait... Fais-tu plusieurs concerts par année ou si... Ah oui, j'en fais un certain nombre, oui. C'est assez variable, du coup. Mais c'est vrai que tout ça, c'est des choses qu'il faudrait que je fasse à plein temps pour que ce soit vraiment efficace. Ouais. Oui, aussi, pour te faire connaître, il faut vraiment se consacrer à... Et voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir que je fasse ça. Donc, pour l'instant, je suis assez satisfait, mais... Bon, à un moment donné, il va falloir que je passe le pas. Ouais, c'est ça. Mes yeux rivés, ravis. Elle est verrie et puis sexy, mais bien plus que ça. Elle a en sus, elle a, je sais pas, elle a. C'est fou comme elle est, comment dire? À quel point elle me, comment dire? Elle a ce truc qui me fait. Qui m'envoie planer dans les cieux. Je me sens enfin bon, tu vois quoi. Comme si, ben, c'est-à-dire, je sais pas moi. Enfin bref, enfin bon, voilà. C'est l'amour, l'amour quoi. Je l'ai vue, j'ai su, c'est elle. Et je la suis, c'est sûr, c'est celle que je veux, qu'il me faut et qui me plaît. Elle a des yeux, elle est, c'est fou comme elle est, comment dire, à quel point elle me, comment dire, elle a ce truc qui me fait, qui m'envoie planer dans les cieux. Je me sens enfin bon, tu vois quoi, comme Sylvain, c'est-à-dire, je sais pas moi, enfin bref, enfin bon, voilà, c'est l'amour, l'amour quoi. Le dire, c'est dur, je crois. L'écrire, c'est pire, je peux pas. Lui dire, j'en suis déjà. Mais là, mais cette fois, faudra, mais faudra, parce que c'est fou comme elle est, comment dire, à quel point elle me, comment dire, elle a ce truc qui me fait, qui m'envoie planer dans les cieux. Je me sens enfin bon, tu vois quoi, comme si, ben c'est-à-dire, je sais pas moi, enfin bref, enfin bon, voilà, c'est l'amour, l'amour quoi. C'est fou comme elle est, comment dire, à quel point elle me, comment dire, elle a ce truc qui me fait, qui m'envoie planer dans les cieux. Je me sens enfin bon, tu vois quoi, comme si, ben c'est-à-dire, je sais pas moi, enfin bref, enfin bon, voilà, c'est l'amour, l'amour quoi. C'est fou comme elle est, comment dire, à quel point elle me, comment dire, elle a ce truc qui me fait, qui m'envoie planer dans les cieux. Je me sens enfin bon, tu vois quoi, comme si, ben c'est-à-dire, je sais pas moi, enfin bref, enfin bon, voilà, c'est l'amour, l'amour quoi. Parce que ça t'aide quand même à mettre du beurre sur ton pain. Et c'est ça. Tandis que le travail de création, c'est plus incertain. C'est très incertain. Puis j'ai une famille, donc... À faire vivre, ouais. Il faut que, je sois sérieux quand même. Ouais. Je suis plus tout seul, donc... Disons, pour l'instant, je suis satisfait. Mais il va falloir que ça bouge tôt ou tard. Et tu vas sentir le moment, ou si tu vas vraiment être obligé de prendre une décision, est-ce que ça va couler de source? Non, ça coulera pas de source. Il va falloir que tu te lèves un matin et tu dis non, c'est terminé. Voilà, c'est ça. Et là, ta copine, elle va dire non. C'est ça. Enfin, il va falloir que je sente le moment où ça frémit tellement que je le sens. Oui. C'est ça. Alors que ça vienne de toi pour que ce soit vrai et que tu ne reviennes plus sur ta parole. C'est ça. Ouais. C'est ça. As-tu beaucoup de projets, là? Tu finis ton disque, c'est sûr que si tu travailles un disque, là, ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout qu'un boulot alimentaire, donc double complexité, travail, musique, mais as-tu beaucoup de boulot, as-tu des projets? Des gens qui travaillent pour toi pour défricher un peu, pour te... J'aimerais avoir plus de projets. C'est vrai que j'ai lancé pas mal de projets, des trucs plus musicaux, hein, plus de la recherche musicale, plus, qui n'est pas formaté nécessairement au format chanson. Traditionnel. Voilà, traditionnel, faire des trucs. Moi, j'aimerais bien faire des espèces de longs morceaux un peu... Progressif, voilà, un peu Pink Floydien, un peu rock, un peu qui part dans tous les sens. Pour rentrer dans la chanson, pour, c'est pour ça. Entrer en transe également avec ta guitare. Voilà. C'est un projet donc. Alors c'est pas vraiment c'est un projet de fond, c'est-à-dire que quand j'ai un moment, etc., je retravaille un peu des trucs, etc. Mais y a rien de prévu, il n'y a pas de sortie de prévu, etc. Et puis bon, c'est vrai que d'un point de vue, parce qu'un projet maintenant, il faut pouvoir le développer pas seulement dans la musique, c'est-à-dire qu'il faut le développer au niveau de l'image, du film, en plus de ça, c'est beaucoup d'argent pour peu de retours. Ouais. C'est assez ingrat. c'est un gras. Voilà, c'est un gras, mais bon, c'est plaît. Très plaisant. Ouais, ça donc, en fait, il faudrait... le jour où je ferai que de la musique, ouais. Plus que de la musique, je pourrais lancer toutes sortes d'autres projets qui me font envie, ouais. As-tu prévu à peu près la date de tombée où tu allais abandonner ton travail qui te fait vivre un peu Pardon, excuse-moi. As-tu déjà en tête le moment où tu vas arrêter de travailler pour te consacrer à la musique? Ben là, non. Hein. Oh, il n'y a rien de prévu, tu sais. Non, il n'y a rien de prévu à ce niveau-là. Ouais. Bon. Et puis, là, suite à cette sortie-là, tu veux faire de la scène? Tu veux présenter ça aux spectateurs? Ah bah bien sûr, oui. Bah oui, là je vais présenter ça aux spectateurs, bien sûr. Après la scène, bon, on a quelques plans à venir. Il va falloir tout faire pour en trouver un maximum. Est-ce qu'il y a des chansons du premier album que tu fais plus parce que ça t'intéresse plus, ça a mal vieilli, tu l'as déjà trop chanté et puis il n'y a plus de plaisir, ou si tu es vraiment très attaché à tout ce que tu fais, à tout ce qui est sur la pastille? Bon, il y a des chansons qu'on n'a jamais fait sur scène, en fait, hein, ah. Parce qu'on n'a pas pris le temps de les monter, puis qu'on avait un répertoire suffisant. Okay. Après, il y a certainement des chansons qu'on va pas rejouer, mais pour des raisons, surtout de temps, en fait. Les morceaux, moi, je m'en lasse pas trop, je les considère un peu comme des espèces d'instantanés, d'un moment, quoi, donc... sur un événement, c'est vraiment... Voilà, c'est ça, c'est un Polaroid. Donc elles ont cette valeur-là. Je pense qu'elles se tiennent à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elles sont le témoignage. Ouais. Après, voilà, non, je suis pas de style à tout renier. Au contraire, moi j'aime bien, je suis vachement dans le recyclage, c'est-à-dire que les choses, que je pense qu'il y a toujours un truc à trouver, il y a toujours un truc à prendre, à reprendre, à réintégrer dans quelque chose d'autre, etc. Je suis vachement dans la bricole. J'aime bien ça, moi. Et c'est le plaisir aussi de retrouver des chansons que tu as peut-être laissées en surdine et que tu retrouves avec grand plaisir. Oui, aussi, oui. Ouais, ouais. Après, bon, on manque un peu de temps pour remonter, etc., des choses... beaucoup, là, on va vachement de l'avant. On va monter beaucoup de choses du prochain album, c'est évident. Est-ce que c'est beaucoup de travail pour toi lancer un album parce que tu dois faire la promotion, tu dois après ça monter sur scène? Ah, c'est énormément de travail. Hein? Énormément de travail, surtout avec le temps que j'ai. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire vivre le nom, d'une part, que ça existe encore. Mm-hmm. Après, il y a toute la com à faire, il y a les clips à réaliser, avoir l'idée, les lives à trouver, les lives à monter, etc. C'est énormément de travail, oui, c'est gigantesque. C'est que tu as déjà un boulot, donc tu peux pas faire ça n'importe quand. Voilà, je suis vachement contraint et ouais. C'est beaucoup de travail, oui. As-tu des projets après le lancement de disque? Est-ce que tu veux faire aller en région ou tu te concentres uniquement sur ta vie? Non, j'espère aller en région, bien sûr. Est-ce oui, que oui. Tu fais ça? Est-ce que tu y vas? Oui, je vais en région, oui. C'est vachement plus agréable en plus parce que. C'est pas le même, hein. Oui, il y a ça. Et puis l'accueil n'est pas le même non plus. Paris, c'est super difficile de trouver des conditions correctes. Ils sont blasés un peu, hein. Il y a tellement de spectacles un peu partout. Donc... Oui, et puis les gens qui accueillent, enfin je veux dire, les tarifs ne sont pas les mêmes. C'est moins cher en région quand on va voir un spectacle? Parce que les salles sont moins chères. On est mieux accueillis. Okay. C'est surtout ça. Okay, c'est l'accueil. On est beaucoup mieux accueillis. Ah, ouais. À tout point de vue. Ouais. Et donc c'est vachement agréable qu'on ait l'impression d'arriver, qu'on soit un peu attendu. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement une espèce de produit qu'on va placer. Voilà, c'est ça. Donc c'est très agréable, c'est très gratifiant. Combien de chansons sur ton dernier opus en terminant, t'as plu? Là, il y en aura 10. Okay. Ouais. Est-ce que les chansons ont été difficiles vers la fin pour ça, aussi plus tu en écrivais, puis plus c'était, non pas facile, mais en tout cas t'avais déjà la lancée, t'avais déjà l'énergie pour les... Pour les... Ouais, les faire, les finir. Est-ce que ça a été difficile de faire les 10 ou si ça coulait de source? En fait, non, c'était assez simple, c'est-à-dire que j'avais écrit pas mal de trucs au préalable. Ok, t'avais déjà beaucoup de matériel, oui, pour retravailler un peu. Voilà, je retravaille beaucoup en fait, une fois que je me dis tiens là, celle-là elle va finir. Quand les idées sont à peu près là, en fait, le travail est à peu près fini. Retravailler le texte, c'est très agréable et en plus, ça demande finalement pas beaucoup d'efforts. Mais par contre, oui, on a l'impression de finir vraiment l'histoire. Donc c'est très bien. Ben alors Louis, on se souhaite des spectacles, des disques et peut-être une venue à Québec incessamment. Eh ben merci beaucoup Rénald. Puis merci d'avoir accepté. Ben, j'espère bien, oui, ben que oui. Tu vas me trouver un plan au Québec. Je suis pas vraiment, je suis pas que ça à moi, mais ouais. Juste le fait d'être entendu, c'est peut-être un beau. Complètement. C'est au moins susciter l'intérêt. Hein? Quand ça joue, au moins les gens vont commencer à te connaître. Et c'est comme ça que ça peut. Ça peut porter fruit, faut pas. On ne sait jamais. Tout à fait. Ah mais merci hein, de ta merci présence, à toi. D'avoir accepté surtout. Ben, c'est gentil et à comme toi. Comme je dis souvent, à la revoyure. À la revoyure. Merci. Un souci, ça s'efface en surface, mais hélas, ce n'est souvent qu'un sursis. Laissez-moi vos soucis. Jusqu'au bout, des soucis jusqu'au cou, à 100 comme à 6 sous, des soucis. Et quand on croit qu'il n'y en a plus, bah on a tort, il y en a encore. Des soucis incessants, dessous, insidieusement, en série, si souvent, des soucis. Et quand vraiment il n'y en a plus, bah c'est qu'on est mort. Laissez-moi vos soucis, votre acas, vos ennuis. Tous vos emmerdements sont mes seuls tourments. Chers amis, Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.